Alors, on va passer au petit récap de la veille. Le récap de la veille. Donc, tu veux nous dire déjà qu'est-ce qu'on a pu écouter hier ? C'était une journée absolument foisonnante. C'était une journée très, très riche. Alors, il faut juste... Nous y étions. Oui, on y était, c'était vraiment c'était oui. Super. Tiens, regarde un programme. Voilà. Très bien. Alors, le samedi 13, on a commencé par le partage d'écoute de Céline Henny qui était au salon d'écoute. Ensuite, Arthur Chambry, Lucas Declercq et Ranilde May ont ouvert leur répétition à 14h pour le public. Ça s'appelait À bout de souffle. Et cette performance, ces trois performances ont ensuite été jouées un peu plus tard, voire très tard, à 22h30, en clôture de la journée. Ensuite, il y a eu le concert de Martha Forsberg et Alicia Pilarczyk, Las Chulas, ensuite avec une performance qui a eu lieu à 18h, suivie de Steven Katsuo Takasugi dans le salon d'écoute, et à 21h dans la grande salle, un concert de l'ensemble Thrips qui a joué une pièce de Eric Wubels qui s'intitulait If and Only If. Peut-être qu'on a quelques sons qui nous rappellent ce qui s'est produit hier. Une petite déambulation, un petit peu... Qu'est-ce qu'on pourrait dire Je ne retrouve plus mes mots. Déambulation active. Oui, déambulation active, dynamique. Point de vue, pas point de vue individuel, point de vue pas singulier situé. Non plus. Comment ? Subjectif, voilà. Référentiel. Une petite déambulation subjective, voilà. Merci beaucoup. Autour de cette table, on s'active pour essayer de m'aider à trouver mes mots. C'est, voilà. Il y a beaucoup d'efforts et peu de résultats. Et en attendant, ben, on écoute une partie de cette déambulation avec un choix subjectif du cheminement dans la maison communale de Plainpalais. Oui. Yes. Vous n'y étiez pas, mais bientôt, vous y serez. Tu veux enregistrer ça ? Que penses-tu de la musique contemporaine ? C'était très intéressant. Allez. Oui, en fait, j'allais un peu là-bas au coup, mais j'ai pas encore été. Mais... Oui, il y a un fauteuil là en tout cas, et puis sinon à la radio, il y a des chaises. C'est où la radio ? C'est juste tu peux pas louper, il y a des micros sur une table. Chez coucou, hein. C'est pas encore l'heure là. Si, bientôt. Minou. Je vais enregistrer les petites flûtes. Toc, toc. Puis en chef.